passé un très bel après-midi avec nous. Là, tout de suite, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent, en nouvelle diffusion, Histoire vivante. C'est la Vierge Marie en déshabillé de soie. Pourquoi il y a des bouteilles de Bourgogne à épaules tombantes, des bouteilles d'Alsace en forme de clocher de la cathédrale de Strasbourg et des bouteilles de Bordeaux à épaules carrées? Travailler dans le vin? Vous connaissez beaucoup de gens qui ne travaillent pas dans le vin ici? Cette semaine, un certain fruit. Le vin, c'est l'incarnation de la lumière du soleil enveloppé par de l'eau. De l'amphore. Il y avait dans les vins antiques énormément d'additifs. À la mondialisation. Nous avons détruit le mythe de l'invincibilité de la vigne française. Contenu. Plus serré qu'une nonne, mais bonne concentration, très fruitée. Et contenant. Le vin a un rapport au temps qui n'est pas du tout linéaire. On ne couronne pas le vigneron qui produit le plus, on va couronner le vigneron qui a réussi à le mieux entretenir sa vigne, la bichonner. C'est ce que je veux faire avec mon vin, non? Il y a un moment donné, ça va, j'ai pas besoin d'avoir toujours 12 mecs autour de moi pour me dire ce que je dois faire. Vous êtes là à me regarder avec vos grosses couilles. Ils vont pas dormir, les auditeurs. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Raphaël Guillet, journaliste à la RTS. Vous avez fait, Raphaël, combien de, on va dire, de rubriques? Vous avez travaillé dans des quantités de secteurs, si je ne m'abuse. C'est vrai, j'ai commencé à la radio suisse romande comme flashiste de nuit à couleur 3. Ensuite, C'est un plaisir que de vous y voir d'ailleurs, puisque moi-même j'ai été assez fréquemment dans ces couloirs-là, à ces horaires-là. Exactement. Pour les matinales cependant, souvent. Moi c'était la nuit d'abord, et ensuite effectivement un peu partout, flashiste, reporter. Et ensuite j'ai travaillé à partir de 1995 comme journaliste à l'international, comme on dit. Alors, j'ai fait pendant 15-20 ans... les élections dans le monde, de temps en temps, une zone de conflit. Vraiment la matière internationale qui m'a passionné, notamment le Proche-Orient, où je suis allé beaucoup, beaucoup. Et depuis quelques années maintenant, je travaille à la télévision et j'ai plus envie de travailler sur la Suisse. Je ne sais pas pourquoi, c'est sans doute lié à l'âge. On a peut-être davantage besoin de connaître ses racines et j'ai moins envie d'aller au Pakistan, j'ai moins envie d'aller loin. Et j'ai envie d'aller loin, mais ici. Alors là, Raphaël Guillet, on a un petit moment à passer ensemble. Vous êtes effectivement dans le local, là, mais avec un nouvel outil, puisque jusqu'à présent, vous étiez quand même essentiellement avec un micro, un câble et puis un enregistreur. Tout comme là, maintenant, on fait. Et puis là, maintenant, il y a de l'image. Alors, racontez-nous ce passage à l'image, puisque vous êtes l'auteur du prochain documentaire d'Histoire vivante. Donc, d'abord, félicitations. Est-ce une montée en grade? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, correspondait à un désir, à envie d'aller toucher le documentaire après avoir exercé le journalisme sous ces différents aspects que vous nous avez évoqués? Bon, il se trouve que moi, j'ai commencé par l'image. Ah. Par le biais d'une émission qui était assez connue des téléspectateurs romands, qui s'appelait La course autour du monde, qui était destinée à des jeunes étudiants, pas encore professionnel, et qui nous permettait de faire le tour du monde avec une petite caméra Super 8. Et c'est là que j'ai tâté pour la première fois de l'image. Mais il est vrai que je n'étais pas un très bon caméraman, j'étais plutôt un texteur, un gars qui écrivait des textes et qui les illustrait comme il pouvait avec une caméra. Et beaucoup de flou à l'image d'ailleurs, parce que je n'étais pas très technique. Mais en fait, à la base, c'était quand même mon premier contact avec le journalisme, c'était de faire des petits films. Après 20 ans de radio, c'est vrai que j'ai eu envie de changer. Vous savez, quand on est en Irak, quand on est en Bosnie ou même dans des zones de catastrophes naturelles, on fait des papiers, on fait de l'analyse, on raconte, on donne la parole à des gens. Et on se dit, je me demande si le fait d'avoir l'image en plus ne donnerait pas un impact supplémentaire à ce que je fais. Et c'est ce que j'ai voulu tester en venant travailler à la télévision, et maintenant ça fait 15 ans et je suis content d'avoir expérimenté ce média, même si j'adorerais toujours la radio, parce que la radio a un petit supplément d'âme par rapport à l'image. Les images sont peut-être plus belles à la radio qu'à la télévision. Mais définissez-le d'ailleurs, ce supplément d'âme. Pour vous, c'est quoi? Ça nous intéresse énormément. J'ai l'impression que la radio entre plus dans le quotidien des gens que la télévision. À la télévision, Ça va peut-être changer avec ces nouveaux supports, mais la télévision, elle est dans le salon, donc elle est tout près du frigo. Et ça peut arriver aussi à un poste de radio d'être à côté du frigo, même si c'est pas très bon pour les ondes. C'est vrai, la radio, moi je l'écoute souvent. Mais elle est naturellement plus mobile. La radio, moi je l'écoute souvent en allant faire un footing, en allant marcher, en marchant depuis la gare Cornavin jusqu'à la télévision. Et j'ai un rapport de concentration supérieur à mon attention lorsque je regarde la télévision, quand j'écoute la radio. Je l'écoute aussi parfois, et j'ai pas de voiture, mais si je loue une voiture, je l'écoute dans l'habitacle, et il y a une espèce de concentration maximale, même si j'ai les yeux sous la route. Donc il y a quelque chose de particulier dans ce supplément d'âme qu'a la radio. Alors on va mettre le clignotant, et puis on va enchaîner, parce qu'il est temps quand même de parler d'un documentaire dont vous allez nous donner le titre, je vous prie. Je suis la fête des vignerons. Je suis née dans une région qui invite au silence. Vous la regardez, vous dites « Waouh !» Faire des phrases devient dérisoire. De là peut-être l'économie de parole qui caractérise le pays de Vaud. Une vertu également entre le Chablais et la Vaud. Mais attention, quand on se tait dans cette région du Léman, c'est qu'on a une idée derrière la tête. Cette idée derrière la tête, elle vient de très loin dans le temps. Elle se transmet, tel un secret de famille, de génération en génération. Elle incite à retenir son souffle, à faire provision d'énergie, à la stocker, la multiplier, l'entretenir de jour en jour, de mois en mois, saison après saison. Toute cette énergie, patiemment accumulée, se répand tous les 20 ans dans la région. Et comme la lave d'un volcan, elle se met à monter dans mon corps, à couler dans mes veines et à faire battre mon cœur. Face au lac, devant 16 000 spectateurs massés dans l'arène géante, le rideau se lève enfin sur le grand spectacle, la fête des vignerons. 4 heures de merveille et de ravissement. Phébus, dieu du soleil, paraît environné des rayonnants archers de sa garde. À quoi tient cette étonnante alchimie entre une fête et un peuple depuis maintenant plus de 200 ans? La réponse se trouve dans l'histoire que je vais vous raconter. Mon histoire. Je suis le roi éphémère du pays de la fête. À chaque génération, je réapparais lorsque renaît la grande fleur de la terre vaudoise, la fête des vignerons. Alors, je suis la fête des vignerons, dont je sors à l'instant, puisque je viens de voir votre documentaire. Vous pouvez nous dire un petit peu, on devine le sujet, évidemment, mais racontez-nous, vous concernant vous, Raphaël Guillet, la genèse du projet. Comment ça s'est construit pour vous? À la base, il y a 2-3 ans, j'étais producteur d'une émission qui s'appelait Les coulisses de l'événement. On revenait sur des gros événements avec les protagonistes, enfin libérés du devoir de silence qui est souvent important lorsque l'actualité est très chaude. Et pour avoir fait plusieurs émissions de ce type, je me suis dit, tiens, je ferais bien les coulisses de la préparation de la fête des vignerons. C'est l'avenir, donc, de 2019, de cette année. Seulement, voilà, le projet était déjà occupé. J'en ai parlé à Irène Chaland des documentaires, et elle m'a dit, mais il y a déjà une équipe qui travaille depuis 5 ans sur ce projet, de manière donc beaucoup plus conséquente que je n'aurais eu les moyens de le faire. Elle me dit, en revanche, si tu veux, tu peux faire l'histoire de la fête des vignerons. Il faut qu'on fasse ça, on a envie de le faire, si ça t'intéresse. Et je dois être franc, la première réaction, comme je voulais faire les coulisses de la préparation de la fête actuelle, c'était, oulala, je sais pas si je saurais faire, je sais pas si je vais être passionné par le fait de replonger dans des images datant de 1900, 1920, 1900, et même avant. Et j'ai eu un doute, j'ai laissé un temps de réflexion, et puis j'ai commencé à lire l'histoire de la fête des vignerons, et j'ai trouvé ça passionnant. Donc au départ, j'étais plutôt hésitant, et ensuite, à la lecture d'un très beau livre qui retrace vraiment l'histoire de la fête des vignerons et de la confrérie, qui est l'institution qui organise cette fête, 4 ou 5 fois par siècle, j'ai été passionné parce que je me suis rendu compte qu'en voyant des fresques de 1820, 1860. Je reconnaissais la région d'où je viens, parce que je viens de cette région. Puis en même temps, je la reconnaissais pas, parce qu'il manquait tout. Il manquait les autoroutes, etc. Et je me suis pris au jeu. J'ai commencé à regarder ce qui existait au niveau des archives de la RTS. Alors il là, y avait énormément de choses. Énormément de choses. Donc je me suis pris au jeu, j'ai dit ok, on y va. Quand on dit énormément de choses, Raphaël Guillet, moi qui sors du film, je peux en témoigner. Effectivement, on a l'impression de temps en temps d'avoir quasiment affaire à un film sur Méliès ou que sais-je, puisqu'on a affaire effectivement à de la vieille archive, des couleurs passées pour les très très très anciennes. Vous nous racontez, ça c'est pas le fonds RTS, c'est un autre fonds, ou ce sont d'autres fonds, au pluriel. Alors, effectivement, la confrérie des vignerons elle-même dispose d'un certain nombre d'images. La cinémathèque suisse aussi avec le ciné-journal, et la RTS, mais c'est vrai que la RTS, elle a surtout des images de 1977, 1999, avec beaucoup d'images de coulisses, parce qu'il y a des reportages qui ont été faits autour de la fête, en plus des spectacles, bien sûr, mais autour, beaucoup en 1977 et en 99. 1955, il n'y a pas énormément pour ce qui concerne les coulisses de la fête des vignerons, il y a le spectacle. 1927 et 1905, il y a quelques extraits, etc. Plus tout le fond de la confrérie qui vient d'être restauré actuellement. Mais c'est avant tout des images du spectacle et on aimerait avoir un petit peu plus d'images de la vie quotidienne de Vevey à l'époque et de la région. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui fait que vous savez, c'est quand même des émissions qui ont un budget relativement limité, en jours de travail, pour un journaliste, un réalisateur, etc. C'était énorme, tout ce qu'il fallait essayer de brasser, de capter, de sélectionner. Ouais. Donc c'était un travail avant tout de sélection des archives, plus que de tournage, puisqu'il y a eu 4 ou 5 jours de tournage pour en fait interroger des historiens, d'anciens figurants, pour avoir un peu l'éclairage de leur point de vue personnel sur ces archives. La première fête, 1797, c'est justement parce que c'est là qu'on a procédé pour la première fois à un couronnement des meilleurs vignerons sur la place du marché. Avant, c'était vraiment une parade, ça évoluait, c'était un cortège d'une société comme il y en avait tant d'autres, qui avec le temps a gagné en magnificence, on y a mis des ornements, mais c'est vraiment le fait de s'arrêter sur la place du marché, sur une estrade, qui fait qu'on va transformer ce qui était qu'un cortège en un spectacle. La fête des vignerons, elle est à chaque fois dans les thématiques de son temps. Alors l'écologie en 77, encore en 99, en 2019 certainement aussi. Et surtout, vous avez par exemple en 1905, Morax qui intègre le phylloxéra, le mildiou et tout ça dans les paroles des chants. C'est à ce moment-là aussi que vont naître les plus belles fêtes des vignerons. Ça va être 1905, la fête à Doré et Morax. Et après encore 1927, on est vraiment au paroxysme des années de crise avec en plus une météo catastrophique depuis plus de 20 ans. Donc c'est vraiment des années difficiles. Et en fait, là, la fête des vignerons, elle est un peu comme un espoir dans la nuit. Après, évidemment, il va y avoir 1955, il a fallu attendre que la Deuxième Guerre mondiale s'achève, que l'Europe se relève. L'époque avait complètement changé. Les gens, tout d'un coup, ils avaient la possibilité d'aller au cinéma. Il y avait des premiers festivals qui se créaient. Il y a les premières télévisions qui commençaient à être installées dans les cafés. Donc tout d'un coup, au sein du conseil de la confrérie, on s'est dit, mais est-ce que ça vaut encore la peine d'investir des millions pour faire une fête des vignerons? Est-ce que les gens vont se déplacer? Et là, en fait, ils vont faire le choix de l'ouvrir à l'international. Ça va donner la première fête qui était un peu comme Hollywood sur les mots. En 77, et ça c'est très joli, on revient aux racines chrétiennes de la fête avec le texte d'Henri Deblu et la mise en scène de Charles Apotello. On est dans une époque où on cherche davantage la simplicité, même si on a l'explosion du disco, même si on a l'explosion des hippies. Enfin voilà, on est dans ces milieux-là, mais on cherche nos racines. C'est vrai que chaque époque marque une fête des vignerons. Même celle de 1999, on est là dans un contexte où Vevey est en crise, avec Rinceau et Ormont, les ateliers mécaniques, les imprimeries qui avaient fermé. On était alors à presque 13% de chômage à Vevey. Donc la fête des vignerons, tout d'un coup, outre le fait que ça donne du travail aux entreprises, on a senti un vent d'optimisme se lever à Vevey à partir de 1995-96. Raphaël Guillet, puisque vous avez choisi depuis quelques temps déjà de revenir au local, après avoir pendant une quinzaine d'années fréquenté l'international sous bien des latitudes, du coup, que découvrez-vous sur ce local au travers de ce documentaire? Donc forcément, vous découvrez quantité d'informations que sans doute vous ne soupçonnez pas par rapport à cette fête spécifique, mais peut-être commencer votre réponse en abordant cette dimension locale, puisque vous vous êtes interrogé ou vous avez eu besoin de renouer avec ses racines. Qu'est-ce que c'est que le dialogue que vous avez pu établir avec? J'ai un peu peur de dire une platitude, mais si on creuse vraiment dans le local, premièrement, on risque d'arriver en Nouvelle-Zélande, donc on sort du local, mais surtout, on touche à quelque chose de beaucoup plus universel. Effectivement, la fête des vignerons, pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est du folklore, c'est quelque chose d'un peu ennuyeux, c'est des danses avec des costumes, etc. Alors qu'en fait, c'est autre chose. C'est le rythme des saisons, c'est le fait de faire pousser quelque chose dans la terre, en l'occurrence du raisin, mais on parle aussi du blé dans cette fête. C'est comprendre les relations économiques qui se tissent entre la région veuvaisanne et... par exemple, la Veuvaise, Châtel-Saint-Denis, avec les gars qui s'occupent du bétail, des vaches. C'est apprendre que les vignerons, qui étaient aussi paysans et qui avaient des vaches dans les années 1900, emmenaient l'été leurs vaches à la montagne, les donnaient aux paysans fribourgeois, justement, pour qu'ils les gardent durant l'été. Et pour payer ce travail, ils leur apportaient des bouteilles de vin. Ils ont profité pour acheter du fromage. C'est les échanges économiques très concrets qui se tissent. Et tout ça, c'est dans la fête des vignerons. C'est pour ça qu'il y a le rang des vaches dans cette fête des vignerons. C'est parce que les vignerons qui allaient amener leur bétail, ils ont entendu ce chant à ce moment-là. Ils se sont dit, bah tiens, il faudrait que vous veniez le chanter lorsqu'on fait notre prochaine fête dans 20 ans, etc. Et le rang des vaches est présent dans cette fête des vignerons depuis 1815, je crois. Je crois que c'est cette année-là. En 1927, mon grand-père, Robert Colliard, était soliste du Rang des Vaches. Et en 1955, il était maître armaillé. Mon père était meneur de vaches et moi-même également meneur de vaches. En 1977, mon père était maître armaillé. Monsieur Boyard, c'est votre combienième fête? C'est ma troisième fête des vignerons, comme figurant. C'est la plus belle? Écoutez, les trois m'ont laissé un souvenir inoubliable et je crois que pour moi, c'est la dernière. J'ai moyen encore faire la quatrième, mais il faudra pas trop y compter. Voilà mon petit-fils, c'est la quatrième génération. En 99, j'ai été comme maître armaillé. Et là, on avait la cinquième génération, puisque j'avais mon petit-fils avec moi. S'agit-il d'ailleurs du seul air que l'on retrouve de manière redondante, de cycle en cycle, ou y en a-t-il d'autres? Il y en a d'autres, il y a... la fameuse chanson de Rousseau, « Allons danser sous les ormeaux », qui est réapparue à chaque fête des vignerons. Il y en a d'autres qui sont un peu des passages obligés. Ils ne le sont pas complètement parce que certains auteurs décident, par exemple, de renoncer à tel chant pour telle édition, etc. Mais ce sont quand même des chansons qui rythment les siècles, puisque maintenant on parle de 2 siècles de fête des vignerons au niveau du spectacle. On en retrouve plusieurs, effectivement. Vous avez répondu en partie, Raphaël Guillet, parce que vous vous êtes appuyé effectivement dans votre réponse sur le plus évident, c'est-à-dire ce sur quoi vous avez travaillé, la fête des vignerons, et notamment au travers des nombreuses archives qui ponctuent votre documentaire « Je suis la fête des vignerons » à voir dimanche soir sur RTS2. Mais plus que ça, en interrogeant le local, ce local si singulier et si particulier, et à l'occasion de la fabrication de ce documentaire, vous découvrez quelque chose que vous n'aviez pas encore soupçonné de votre propre coin, de votre propre région. En plongeant dans cette histoire-là, je vais vous dire que j'ai l'impression de faire partie de cette région et d'être comme tous ces personnages qu'on voit dans les archives et qui sont tous morts aujourd'hui, d'être quelque chose de fini, quelque chose de qui a une durée de vie tout à fait éphémère. Et je trouve assez beau de faire partie de tous ces personnages qui sont balayés par le vent, qui sont balayés par le temps qui passe. Et je trouve assez émouvant d'être partie prenante de cette région qui honore quelque part les ancêtres. À chaque fête des vignerons, on pense à la prochaine fête des vignerons. Moi, je penserai à mes parents qui étaient venus à la dernière et qui sont plus là, ou des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a cette notion-là qui nous dépasse et dont on perçoit le côté un peu tragique, finalement, régulièrement, c'est-à-dire tous les 25 ans. Moi, j'ai participé, non pas en tant que figurant, mais en tant que fêtard à la fête de vignerons de 1977. Je revenais d'Allemagne, où j'étais allé travailler dans une ferme pour apprendre l'allemand. J'étais gymnasien à l'époque. Je faisais mon bac. J'avais 17 ans. La suivante, j'avais déjà 40 ans. Maintenant, je viens d'avoir 60. La prochaine, je serai peut-être en chaise roulante, mais on sent la marque du temps qui passe. C'est sans doute la singularité d'ailleurs de cette fête des vignerons. C'est peut-être également la singularité de ce pays, la Suisse, quant à ce rapport à la temporalité. Là, en tout cas, il est vrai que dans le documentaire, c'est tout à fait frappant, quand vous faites la comparaison entre la fête des vignerons 1999 et celle à venir maintenant, on se rend compte en rien de temps du bond technologique phénoménal dans lequel on est et du changement intégral de société. Ça, c'est, je vois pas beaucoup d'exemples dans ce qui peut exister, soit à l'échelle festive ou autre, équivalent. Je trouve ça tout à fait passionnant et justement de pouvoir le mettre un peu bout à bout ou à la suite pour voir à quel point, en l'espace d'une vingtaine d'années et notamment aujourd'hui, c'était peut-être un petit peu moins sensible hier. La sensation de l'accélération de la temporalité, elle est vraiment marquante, elle est vraiment frappante. Ouais. C'est vrai qu'il y a cette notion d'adaptation de la fête à chaque époque. En 1977, on est en pleine période hippie, amour libre, les bacchantes, elles étaient pratiquement nues. Et il a quand même fallu l'intervention d'une ou deux personnes pour qu'elles aient un petit juste au corps un peu plus habillé. Ce serait plus possible aujourd'hui, ça, j'ai l'impression. Donc, chaque fête correspond à son époque et on se rend compte que les époques, elles se chassent, elles passent. Là, on est maintenant entré dans une époque qui s'appelle l'époque numérique. On ne sait pas ce que sera la prochaine dans 20, 25 ans. On ne sait même pas si elle existera encore. Mais c'est vrai que il y a ce rapport au temps et je pense que c'est pour ça que ça parle beaucoup aux gens de la région. Quand je dis les gens de la région, c'est assez large, hein. C'est Chablais jusqu'à Lausanne. Et même davantage, puisque les Neuchâtelois viennent, commencent à venir, les Genevois peut-être un peu moins, sont peut-être davantage tournés vers la France, encore que le directeur général du comité exécutif de la fête soit un Genevois, Frédéric Hall. Donc peut-être que ça amènera davantage les gens de Genève, mais quelque part il y a une dimension identitaire à cette fête qui dépasse la seule région beauvaisienne, c'est certainement le cas. Je me serais cru à l'opéra. On avait trouvé la musique. Superbe, très bien. Non, très, la musique c'est tellement bien, monsieur. À mon avis, c'est le point faible. Oui, ça ne nous a pas plu. Pas du tout, la musique. Non, pas du tout. Pourquoi ? C'est pas traditionnel, on peut pas retenir les chansons, la musique. Quelque chose qui est assez frappant également, c'est la multitude de combats renouvelés à chaque nouvelle édition entre tradition et modernité. Moi, j'avais déjà été extrêmement emballé par ce que j'avais encore en mémoire de la musique de l'édition de 1999, contrairement à un certain nombre de personnes, dont certaines témoignent au travers d'archives dans votre documentaire, qui avaient proprement détesté cette musique quelque peu atonale, moi ça m'avait d'une part surpris et d'autre part enchanté. Est-ce que au fil des éditions vous avez pu découvrir qu'effectivement c'était souvent des choses qui étaient en rivalité, en frottement? Il y a vraiment toujours cette tension entre tradition et modernité. En 1999, c'est vrai que on n'était pas loin de la crise dans le canton de Fribourg quant à la manière dont on avait traité le rang des vaches, puisque on avait cassé l'aspect émotionnel de ce chant qui vient des tripes pour les gens de la région de Gruyère. Et c'est vrai que cette tension, elle avait été énorme. Il y avait les chanteurs du rang des vaches avaient même failli faire grève à un moment donné. Ça, c'était... Oui, le scandale du sacre du printemps, à côté, c'est du pipi de chat. Ah, c'est du pipi de chat. Effectivement. Non, cette tension entre modernité et tradition, elle est certainement profitable, d'ailleurs. Parce que la tradition ne doit pas être éternelle. Il doit y avoir c'est un renouvellement. C'est un risque, si elle est éternelle. Oui. Enfin, si elle est éternelle. J'allais dire une bêtise. Si elle est éternelle, la tradition, elle meurt. Donc... il faut qu'il y ait cette tension, effectivement. J'ai rarement vécu dans une région qui est encore aussi anti-féministe qu'ici. Même misogyne en partie. François Rocher, quand il s'exprimait en 1999, c'est clair qu'il avait face à lui une société qui avait changé, qui donnait un peu plus de place aux femmes, et une confrérie qui était toujours aussi fermée sur elle-même, sur la masculinité. Et après la fête, une nouvelle commission s'est réunie, et cette fois-ci, ils ont beaucoup discuté de ce qu'était une tradition et est-ce que les femmes pouvaient porter atteinte à cette tradition séculaire de la fête des vignerons. On sent que notamment la question des métiers et la question également de la représentation la plus paritaire possible des personnes exerçant ce métier est quand même largement au cœur de cette édition 2019. Ça va être le travail de la vigne est très important, mais plus globalement, pour être allé à quelques répétitions, notamment du grand chœur, j'ai été surpris de ressentir une émotion très forte, les poils qui hérissent. C'était très émouvant d'écouter ces chants qui se préparent et qui seront donc chantés cet été à la fête des vignerons. Mais je crois que ce qui est le plus émouvant, c'est de voir autant de gens, parce que le grand chœur, c'est 500 personnes, prendre sur leur samedi toutes les semaines, 2 heures, 3 heures, se réunir pour le même but. Plus que la mélodie elle-même qui a l'air magnifique, c'est cette mobilisation qui est émouvante. On veut faire partie de cet événement. Et la vigne, c'est certes quelque chose de très important, mais le fait de pouvoir se mobiliser, le fait que tant de gens, il y a quand même plus de 5000 figurants qui le font. Ils le font pas uniquement pour honorer le travail des vignerons. Ils le font pour honorer leur père, leur mère, leurs grands-parents qui le faisaient déjà. J'ai l'impression que c'est pour participer à cette course du temps, à cette tradition, plus encore que pour honorer le travail de la vigne. Je suis en train de deviner au travers de votre réponse, Raphaël Guillet, que vous n'auriez pas refusé un objet documentaire de longue durée, incluant notamment des entretiens, incluant, parce que c'est vrai qu'un événement de cette rareté-là, on a envie de le déplier le plus possible. C'est vrai, mais une équipe est déjà en train de travailler là-dessus depuis 5 ans. Ce sont des gens de la région de Vevey que j'ai rencontrés à la faveur de ce tournage. Et je me réjouis vraiment de découvrir leur travail, parce que eux, ça fait vraiment depuis 6 ans maintenant qui travaille sur cette édition-là. Ouais. Raphaël Guillet, vous nous redonnez le titre de votre documentaire, je vous prie. Je suis la fête des vignerons. Merci d'être venu en parler au micro d'Histoire Vivante. C'est bien sûr à voir dimanche soir sur RTS2.